Fiodor Ivanovitch Tchouchev. Nous avons pu tous deux, fatigués du voyage, nous asseoir un instant sur le bord du chemin et sentir sur nos fronts flotter le même ombrage et porter nos regards vers l'horizon lointain. Mais le temps suit son cours et sa pente inflexible a bientôt séparé ce qu'il avait uni, et l'homme, sous le fouet d'un pouvoir invisible, s'enfonce, triste et seul, dans l'espace infini. Et maintenant, amis, de ces heures passées, de cette vie à deux, que nous est-il resté? Un regard, un accent, des débris de pensée. Hélas, ce qui n'est plus, a-t-il jamais été ?